Audiomatique. Thank you. Pour amorcer la transmission 361 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du trio allemand Phonosynthèse. Tirée de la compilation 2000 and Space, nous entendions la pièce Paradiddle. Après avoir écouté l'amorce de la transmission, nous tournons maintenant nos attentions auditives vers la première séquence de trois pièces qui débute avec Berrurier Noir. À Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter la formation de krautrock allemande Neu et la pièce Lila Engel tirée de leur deuxième album intitulé Two, paru en 1973. Avant Neu, c'était la formation Cabaret Voltaire, dont l'un des membres fondateurs, à savoir Richard H. Kirk, est décédé la semaine dernière à l'âge de 65 ans. Cabaret Voltaire fut un groupe britannique formé en 1974 et très influent sur la scène de la musique électronique et industrielle à la fin des années 70 et dans les années 80. Nous avons choisi de vous faire entendre la pièce Nag, Nag, Nag, qui les a fait sortir de l'ombre en 1978. Outre que sur le single du même titre, la pièce Nag Nag Nag peut se trouver sur l'album compilation de Living Legends, qui regroupe la majorité des singles publiés par Cabaret Voltaire entre 1978 et 1981. Et pour amorcer la séquence, c'était la formation française Berrurier Noir et sa pièce Tzigane Tzigane tirée de l'album Abracadaboum, paru en 1987. Pour la suite d'Audiomatique, voici l'artiste britannique Jason Sparks. After you're dead. Audiomatique, il s'agissait de l'artiste suédois aux origines argentines, José González, et sa chanson « Chome » qui s'orthographie T-J-O-M-M-E et qui est extraite de son plus récent album « Local Valley » sorti le 17 septembre dernier. Tout juste avant José González, nous avions droit à l'artiste américain Alfred Weisberg Roberts, ou si vous préférez Daedalus, qui nous interprétait sa composition Girls en version instrumentale. On retrouve cette version sur le mini-album The Quiet Party, paru en 2002. Et pour débuter, le Britannique Jason Sparks se faisait entendre avec la pièce Soul Taker, que l'on retrouve sur son unique album intitulé Heroes and Villains, lancé en 2003. Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique du projet Solar Fields.

Audiomatique, nous venons d'entendre le projet Poor Dream et sa pièce Immense Present, exclusive à la compilation Emerging Organism Volume 3, publiée en 2009 par l'étiquette de disque Tympanic Audio. Avant Poor Dream, c'était le projet Solar Fields et sa pièce Elevator Sunshine Girl, apparaissant sur l'album Blue Moon Station, paru en 2003. En conclusion de cette transmission 361 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous offrir une pièce du groupe français Nouvelle Vague, qui a été fondé en 2004 et qui présentait sur leur premier album homonyme des reprises de pièces de la période New Wave des années 70 et 80 en version bossa nova. Nous entendrons donc leur reprise de la chanson In a Manner of Speaking, originalement composée et interprétée par le groupe américain Tuxedo Moon sur leur album Holy Wars, lancé en 1985. Malgré le fait que la transmission 362 ne sera diffusée que mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM, il vous est toujours possible de vous approvisionner avec les musiques que les sonoristes choisissent en accédant aux archives d'Audiomatic par l'entremise de nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Nouvelle Vague et leur interprétation de la pièce du groupe Tuxedo Moon, soit la pièce In a Manner of Speaking. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Tell me everything.